des temps, l'international de la danse. Un son calibré pour les stations FM, taillé pour l'autoroute en direct des années 80. Et pourtant, nous sommes à Sydney en 2022. Anita Ward a fait des études en psychologie à Memphis avant de devenir enseignante, puis de se lancer dans la disco. Elle est surtout connue pour son seul unique tube, Ring My Bell. Cette merveille a atteint la première place des charts en 1979 aux États-Unis, au Canada et en Angleterre. Ring My Bell est un chef-d'œuvre du groove réalisé par Frederick Knight, producteur chez Capitol Records et surtout par la suite chez Stax Records, royaume de la Saola. Mais Ring My Bell est surtout un hymne féministe avec une chanteuse afro-américaine qui chante sur des plateaux télé le plaisir féminin, explique au mec comment faire sonner ses clochettes et aboutir au plus haut de son plaisir, mais de son plaisir à elle. Anita Ward, Ring My Bell, nous sommes en 1979. I'm glad you're home. Ring My Bell a été repris par Blondie, Tori Amos, Colette et même les Cyan Super Crew. Les ding-dongs du carillon que vous entendez ont été produits par une batterie électronique de la marque Sinar, surtout utilisée dans les années 70 et 80. Le Sinar One était un oscillateur qui permettait de faire monter ou descendre comme on voulait le son. Et ça, c'était une petite révolution dans le monde des percussions. Il fallait bien ça pour faire sonner les clochettes, et sur la version longue que nous jouons ce soir, ajoutez ensuite quelques divines percussions classiques, comme des glockenspiel, des tambours et des triangles. Ring My Bell, la fantastique Anita Ward. International de la danse. Nous sommes en 1982, Shy C-A-G-O, It's My Chicago, Light Touch Band. I'm all about the papers, and that's just me. I ain't got time for no silly games. I don't want nothing but fortune and fame. Jimmy is my number one fan. I'm the leader of the light touch band. We're the best band around. We challenge any other to get down. From town to town, let me suggest a place where you can get down. I live there, I don't know, it's the type of place where you wanna go. We got lakefront up on the beach, kick off your shoes and relax your feet. We got Field Museum not far away, you can go there any type of day. in Chicago, we got everything. We got the Cubs, we got the White Sox too. In my Chicago, we got everything for you. Buckingham Fountain is pretty at night. It's even more prettier when you see it in lights. The water tower is really great. They even got a shopping center in the place. Downtown, not far away. It's the type of place to make you wanna stay. I say clap your hands, stomp your feet. It's the type of town you just got to see. You got beautiful women, you're real fine men. Come on Chicago, get yourself a head. And shot C-A-G-O, it's my Chicago. I say shot C-A-G-O, it's my Chicago. I say shot C-A-G-O, it's my Chicago. I say shot C-A-G-O, it's my Chicago. That's what it's all about. I'm gonna set it out without a doubt. I'm gonna turn it out. That's what it's all about. I'm gonna set it out without a doubt. I'm gonna turn it out. That's what it's all about. I'm gonna set it out without a doubt. It's my Chicago. It's my Chicago. It's my Chicago, it's my Chicago, it's my Chicago, it's my Chicago, it's my Chicago, it's my Chicago. I guess if we're going to go, we better get going. We got a lot of people to find. Oh, great. But wait, how do we find them? Didn't you see our first movie? We drive. Yes, ladies and gentlemen. Shinji Shikujo, B-Boy, B-Girls. Kokoro Planet Presents, Studio Inshin, The Urban. Yeah, mazu wa Peko. いや、まるで10年越しの映画の続編みたいに突然に訪れる。これは犯人グマとはタクティクス。頭脳の知り合いの先の革新つく。企むバックステージ。握る覚醒器。ラップすれば Amazing。予想つかぬ展開。Have Amazing。次から次生み出す名シーン。焦る連中の一夜漬けでは決して追いつけぬフィジカル面。磨いた独自のリリカルセンスを持ってビシッと即死滅せ。OK、ロミオルショー。飛まずは実践。耳の声てるB-Boys、He Make the move. Lights, camera, action. 動き出せば don't stop. Retour à notre powerplay de la semaine avec les Young Guns Silver Fox dans quelques instants et surtout l'extravagant Shawn Lee. Son album Shangri-La, publié en 2022, n'en finit pas de rendre hommage à la Californie, à la pop-rock des années 70 et 80, et surtout à certains quartiers de Los Angeles, là où résidait toute la crème folk alternative et intello des années 70. Une sorte d'Il était une fois à Hollywood, de Tarantino, mais en musique. Comme le veut le genre, les chansons de Canyon sont aussi ensoleillées que discrètement mélancoliques, sirupeuses que divinement écrites et arrangées. Un pastiche peut-être, mais d'une qualité originale, du grand art, et ça c'était signé Alexis Bernier. C'est le titre qui ressuscite les clubs, les discothèques, bref, tous ces lieux en voie de disparition. Le Macumba, le Pick-up, le Palace. Tous ces lieux de fête avec parfois une programmation approximative, mais que l'on aime. et c'est Alex Frankel qui s'y colle et rend hommage aux bonnes vieilles boîtes de nuit. Still Got It, un monde disparu ou presque, nous sommes à Paris en 2021. Et oui, c'est drôlement chouette. Thank you. I'm here. I am in the present. In the presence of the present. In the space of spatial reality. I am here. I draw no caution to no winds. As I open my wings and elevate through the realms of Vega, I whenever I open these doors, it's the same as before. Whenever I open these doors, it's the same as before. Sounds, drums, heartbeats. Do you feel it? Do you feel it deep? I hear the rain passing through portals. I hold on to the lights of Orion, Epsilon, Auriga. I feel this rain. But whenever I open these doors, it's still the same as before. Whenever I open these doors, it's still the same as before. But my shackles tighten my bones, and my skin smoke. But I am still here with these vibrations. I, you, me, all us. Still here with these vibrations. And whenever we open these doors, it's still the same as before. As I shuffle through the lights, from longitudes to latitudes, from the sunburned bliss and bliss of this equator, I see you watching within me to find yourself. What do you find? I open these doors, still the same as before. Do you feel my lips are numb? Or my voice is gone? Will you stroll these planets with me and find the sun? Resonate and sends these beautiful resonance to you and I. So when we open these doors, it will never be the same as before. I ask myself, Death, Same as Before, nous sommes en 2022. I see change in all time and space. wanna know, know that it doesn't hurt me. Guido Cravero est un musicien portugais qui vit et travaille en Allemagne. En 2015, il s'était fait remarquer par ses remixes façon club et dub de standards du groupe Police. En 2022, il remet le couvert avec cette excellente version de Running Up That Hill de Kate Bush. Une Kate Bush magnifiquement relancée et décongelée cette année par la série Stranger Things. C'est déjà l'heure de refermer les portes de notre bon vieux club. C'était la nuit des temps et nous avons eu le bonheur de faire comme une sorte de feu de joie ce soir avec un Still Got It et avec, par ordre d'apparition, les Young Guns Silver Fox, comme tout droit sorti d'une faille spatio-temporelle des années 70, alors que les années 2000 sont tellement hype en ce moment. C'était d'ailleurs notre powerplay de cette semaine avec une double dose. Il y avait également ce soir Joël Saracula, qui n'est pas qu'à sa batterie, mais aussi un redoutable compositeur. Anita Ward est également venue nous rendre visite avec son Ring My Bell, qui a introduit une bonne dose de féminisme dans le disco au milieu des années 70. Les Light Touch Band qui racontent et se souviennent leur CCAGO It's My Chicago, mais ça fonctionne aussi avec Saint-Étienne, It's My Saint-Étienne. bassiste pour le hip-hop japonais. Et d'ailleurs, actuellement en tournée, est devenu où donc ? Eh bien au Japon. Il y avait également Alex Frankel et son Still Got It. C'était le thème de ce soir, en hommage aux bonnes vieilles discothèques que l'on aime tant. Et je vous invite à voir sa vidéo et vous comprendrez pourquoi le Macumba a toute sa place au musée d'art contemporain de New York. Il y avait aussi les Workman et Def pour sa touche révoltée et dark et ésotérique. Sans quoi nous ne serions que miel et abeilles et ce serait un peu triste. Et il y avait la résurrection de Kate Bush façon dub et club avec Dung Sane. Parce que décidément en musique, il n'y a jamais aucune limite. La nuit des temps est ouverte 6 jours sur 7 et 24 heures sur 24 sur le net. D'abord sur le site de Radio Duo pour les podcasts, mais aussi sur Instagram à la nuit des temps 2 pour découvrir la programmation et même parfois les prochaines avec un peu d'avance. Nous l'avons eu, nous l'avons fait. Still Got It. Et tout doucement et encore plus doucement, c'est un autre voyage qui vous attend sur Radio Duo avec l'homme aux machines, aux platines, aux bidouillages, que même Super Mario c'est de la gnognotte à côté. Il va installer son matériel, toutes ses bécanes tranquillement et dans quelques minutes, eh bien, vous aurez le plaisir de retrouver, comme à la radio, Duo. Très belle semaine à vous. Profitez des étoiles et de la musique et de Radio Duo. À la semaine prochaine, salut !